that we will know how to live as a son. Er kam als ein Sohn, damit wir wissen, wie wir als Söhne zu leben haben. Jesus came as a son of God. Jesus kam als ein Sohn Gottes. Jésus est venu comme un fils de Dieu. To teach us how to live as sons of God. Um uns zu zeigen, wie wir als Söhne Gottes leben. Pour nous montrer comment de vivre comme enfant de Dieu. Praise the Lord. Alleluia. I've never heard it anywhere. Amen. Amen. Das habe ich nirgendwo gehört. Je n'ai jamais écouté quelque chose I comme ça. From the Holy Spirit. Ich habe es vom Heiligen Geist gehört. Amen. J'ai entendu ça de, du Saint-Esprit. Praise the Lord. Alleluia. Amen. Amen. We will continue with our message, which is Christ's character. Es geht weiter mit unserer Botschaft, die Natur von Christus. On continue avec le message concernant le caractère et la nature de Christ. I'm very sure we'll spend a lot of time here because more revelation are coming. Wir werden sehr viel über dieses Thema noch hören, weil noch mehr Offenbarungen dazu kommen. Et on va parler beaucoup de ça parce qu'il y a beaucoup de révélations concernant ce thème, ce sujet. Because if we really know how to live, if his character is our character, we will not be afraid, be panic, or be in any, we will not have any fear. Wenn wir keine Angst haben. Si on sait que le caractère du Christ est notre caractère, on n'aura pas peur ou bien de problèmes dans ce monde. Praise the Lord. Alléluia. You know, there's a message. You know, this message is supposed to continue from where we stopped on Sunday. But just some minutes, let me say 20 to 30 minutes before coming here. Before now, the Lord just is still the same, but it took me, he revealed things to me that you are to hear today. Amen. 3 Stunden bevor ich heruntergekommen bin, hat der Herr mir nochmal ein paar Sachen offenbart, die ich euch weitergeben soll. Und deswegen werden wir erstmal darüber sprechen. 20 ou 30 minutes passées, le Saint-Esprit m'a révélé des choses concernant la nature de Christ pour qu'on apprenne encore beaucoup de choses concernant son caractère. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. As soon as we finish here, we continue with the previous where we stop on Sunday. Amen. Wenn wir fertig sind, geht's dann weiter mit da, wo wir am Sonntag aufgehört haben. Et si on a fini avec le sujet de Christ et de la nature, on va commencer à parler de ce qu'on a parlé semaine passée, le dimanche. As we know, we just have just around an hour and a half or 2 hours for today. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. You are never alone. That's what the Lord said to me. Wir sind niemals alleine. Das hat der Herr zu mir gesagt. Dieu m'a dit que nous sommes jamais toutes seules. He said you are to know it. Das müssen wir wissen. Il a dit on doit le savoir. He said you are to understand it. Das müssen wir verstehen. Et tu dois le comprendre. You are to remember it. Wir müssen es always erinnern, ständig. Et tu as toujours te rappeler de ça. That you are never alone. Dass wir niemals alleine sind. Que tu es jamais toute seule. It's not because you have children. Nicht weil wir Kinder haben. Et c'est pas pour parce que tu as des enfants. Not because you have mother or father naturally. Nicht weil wir Mutter und Vater haben natürlich gesehen. Ou parce que tu as des parents. It's not because you have friends naturally. Nicht wegen Freunde. Et c'est pas aussi parce que tu as des amis. But because you have him. Nicht wegen Menschen, sondern wegen dem Herrn. Mais parce que tu as Dieu lui-même. He said, you are never alone. Wir sind niemals alleine. Et il nous dit que nous sommes jamais toutes seules. And he said, this should be your character. Und das soll unsere Natur sein. Et ça doit être notre nature ou caractère. Amen. Amen. It was also his own character. Amen. Es war auch seine Natur. Amen. Amen. Et c'était aussi le caractère du Christ. He said we are to be aware of it. Uns sollte das bewusst sein. Et il dit qu'on doit être conscient de ce fait. Never, never forget it at all. Niemals vergessen. Tu dois jamais l'oublier. Amen. Amen. As I was watching a film about a royal family. Über eine königliche Familie. Quand j'ai regardé un film concernant une famille royale. I noticed something as the Lord took my attention to it. Ist mir etwas aufgefallen? Dieu m'a montré quelque chose. That is. That the royal family never walk alone. Dass die königliche Familie niemals alleine geht. Dieu m'a montré que la famille royale ne travaille jamais toute seule. Amen. Amen. They never walk alone. Die königliche Familie geht niemals alleine. La famille royale ne marche jamais except seule. They choose to. Es sei denn, sie entscheiden sich dazu. Seulement si ils se décident de marcher toute seule. If you are alone, if you feel alone, you choose to feel alone. Wenn du dich alleine fühlst, hast du dich dazu entschieden, dich alleine zu fühlen. Si tu te sens toute seule, là, ça veut dire que tu décides d'être toute seule. If you are walking alone, you choose to walk alone. Wenn du alleine wandelst, dann hast du dich dazu entschlossen, alleine zu wandeln. Et si tu marches dans cette vie ici toute seule, là, ça veut dire que tu as pris la décision d'être toute seule. You know, there were the palace guards moving with them everywhere they go. Weil die Palastwächter sind immer da, egal wo diese königlichen Leute sind. Parce que les gens qui protègent la famille royale sont toujours là avec la famille. The maids, you know, maids everywhere. You know, they follow them everywhere. Die ganzen Dienstmagden sind auch alle bei ihnen immer. Les gardes les protègent toujours. Always there with them and for them. Immer da für sie. Bei ihnen und für sie. Ils sont toujours là pour la famille royale. And the Lord reminded me of Elisha. Der Herr hat mich an Elijah erinnert. Et Dieu m'a appelé d'Élysée. Praise the Lord. Hallelujah. And you have to allow it to be your character to know that you are never alone. Und du solltest zulassen, dass deine Natur ist, wissen, dass du niemals alleine bist. Et toi aussi, tu dois être sûr que tu n'es jamais toute seule. Elijah knew he was never alone. Elijah wusste beispielsweise, dass er niemals alleine ist. Élisée savait qu'il n'est jamais toute seule. And that is why, you know, the Syrian army they came, but he was not in panic. Deswegen kam die syrische Armee, aber er hatte keine Angst. C'est ça, l'ennemi de Syrie venait, mais il n'avait pas peur. He was not afraid to speak the truth. Er hatte keine Angst, die Wahrheit zu sprechen. Are you getting it? Il n'avait pas peur de parler et de dire la vérité. He knows what it is to speak. The truth. Er weiß, was es bedeutet, die Wahrheit zu predigen. Et il sait ce que ça veut dire de dire la vérité. He knows what it is to reveal secrets. Er weiß, was es bedeutet, ein Geheimnis zu offenbaren. Ce que ça veut dire de dire un mystère. He was revealing secrets. Er hat ein Geheimnis offenbart. Il a révélé un secret. Amen. Amen. He knows the repercussion. Und er kannte die Konsequenz. Et il connaissait aussi les conséquences. Let's go to 2 Kings 6. Amen. 2 Kings 6. 2 Rois 6. Please go and read the story of Elisha. Amen. It's very interesting. Lisez l'histoire d'Élisée. Your children always know all things. Kinder Gottes wissen immer alles. Les enfants de Dieu savent tout. We always know all things. All, non sans. On connaît tout, chaque chose, pas seulement quelque chose. The truth is all things. Parce que la vérité est tout pour nous. Christ is all things for you. Jesus ist alles für dich. Et le Christ est tout pour nous. If you know Christ, you know all things. Wenn du Christus kennst, kennst du alles. Et si tu connais Jésus-Christ, tu connais tout dans ta vie. Praise the Lord. Look at it from verse 11 of 2 Kings 6. 2 Könige 6, Vers 11. Is that the Deux, Deux Rois 6, verset 11. Praise the Lord. Amen. Therefore, the heart of this king of Syria was so troubled. Before then, let us go ahead of it, so that some of us, you know, that are new, can understand it. From verse 8, let's read from verse 8. Verse 8. He said, then the king of Syria warned against Israel and took counsel with his servants, saying, in such and such a place shall be my camp. Amen. Amen. And in verse 9, and the man of God sent unto the king of Israel, saying, beware that thou pass not such a place, You know, there was a problem between the Syria and the Israelis. Amen. Es gab ein Problem zwischen den Israel, the people of Israel. Amen. Il y avait un problème entre le peuple Israël et Syrie. The king of Syria. Der König von Syrien. Et le roi de and then the king of Israel. Le König von Israël. Contre le roi d'Israël. Then there was a prophet that was on the side of the king of Israel. Und es gab einen Propheten, der auf der Seite vom König Israels war. Il y avait un prophète qui était à ma côté du peuple Israël. And any time the king of Syria made, you know, plan whatever he want to do with how he want to defeat or fight the people of Israel, the king of Israel and his people. The prophet, which is Elisha, always revealed the secret to the king of Israel. Und immer wenn die Syrer geplant haben, Israel irgendwie anzugreifen, wusste Elia immer von den Plänen der Syrer, weil er halt immer das hören konnte, was die Syrer im Verborgenen gesagt haben, geplant haben. Alors toujours quand les Syriens ont fait tout pour combattre le peuple Israël, Élisée qui était le prophète, il savait toujours les attaques qui venaient contre le peuple Israël parce qu'il était toujours au contact avec Dieu. Praise the Lord. Hallelujah. Again, let us start from verse 8. Amen. Verse 8. Then the king of Syria won against Israel and took counsel with his servant, saying, in such a place shall be my camp. Verse 9. And the man of God sent unto the king of Israel, saying, beware that thou pass not such a place, for thither the Syrians are come down. Verse 10. And the king of Israel sent to the place which the man of God told him and warned him of, and saved himself there. Not once, nor twice. It was, you know, it was several times that it happened. Amen. Amen. In verse 11, it said, therefore the heart of the king of Syria was so troubled for this thing. Amen. Amen. Because you plan and you can see that it's as if somebody, there's somebody that is a traitor that is giving out your plan. Denn du planst im Verborgenen und es scheint so, als ob unter den Leuten, mit denen du planst, vielleicht ein Spion ist, der die ganze Zeit das weitergibt, was du planst. Trust? Wem kann man da vertrauen? Parce que le peuple Israël connaissait tous les projets du Syrien, ça semble comme si il y avait toujours quelqu'un qui disait tous les secrets du Syrien. And the king of Syria was so troubled for this thing, and he called his servant and said unto them, will you not show me which of us is for the king of Israel? Amen. Amen. Which of us, who among you is revealing the secret? Er hat sich schon gefragt, wer unter meinen Leuten plan verbreitet, also tratscht die ganze Zeit die Geheimnisse weiter. Wer ist der Verräter unter meinen Leuten? Le roi de Syrie disait, il y a parmi vous un traître qui est pour le roi d'Israël. And one of his servants, verse 12, said, none, my lord, O king. But Elisha, the prophet, that is in Israel, telleth the king of Israel the words that thou speakest in your bedchamber. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. You know all things as God children. Amen. Amen. You can read the last one, verse 12. Mm-hmm. Maintenant, je lis verset 12. L'un des officiers répond, notre roi, il n'y a pas de traître parmi nous, mais Élisée, le prophète qui est en Israël, est capable de rapporter à son roi les paroles que tu dis dans ta chambre à coucher. Praise the Lord. Hallelujah. You know all things. Du weißt alle Dinge. That's what the Spirit of the Holy Spirit said. Das sagt der Heilige Geist. Le Saint-Esprit dit que les enfants de Dieu savent tout. And he said, go and spy where he is, that I may send and fetch him. And it was told him, saying, behold, he is in Dodan. Praise the Lord. Alleluia. Amen. Verset 13. Alors le roi de Syrie donne cet ordre, allez voir où il est et je le ferai arrêter. You know, Elisha was not surprised that they were coming for him. Überrascht darüber, dass sie ihn jetzt gesucht haben. Et Élisée n'était pas surpris qu'on les voulait arrêter. Because it was repeating itself again and again. Parce que cette situation s'est répétée chaque fois, c'était pas seulement une fois. Praise the Lord. Alleluia. Then in verse 40, it said, therefore sent he Tita horses and chariots. They also have horses and chariots. Et ils aussi des chevaux. They have horses and chariots. Sie hatten Pferde und Streitwagen. Ils avaient des chars et des chevaux. No, the natural horses and chariots. Die natürlichen Pferde und Streitwagen. Mais les chars et chevaux naturels. You know, Elijah also have horses and chariots, but the supernatural. Elijah hatte auch diese Pferde und Streitwagen, die übernatürlichen. Mais Élisée avait aussi des chars et des chevaux, mais c'était surnaturel. That the natural eyes cannot see them does not mean they are not there. Nur weil das natürliche Auge sie nicht sehen kann, heißt nicht, dass sie nicht existieren. Seulement parce que les yeux naturels ne peuvent pas voir le monde surnaturel, ça ne veut dire pas que l'esprit surnaturel est là. And a great host, and they came by night and compassed the city about. Amen. Amen. Just because of one person. Wegen einem Mann. Amen. Amen. Je lis d'abord verset 14. Il envoie une troupe nombreuse de soldats avec des chars et des chevaux. Il arrive de nuit et entoure la ville. Tout ça, ça s'est passé seulement à cause d'une personne, à cause d'Élisée. Verse 15. And when the servant of the man of God was risen early and gone forth, behold, an host compassed the city, both with horses and chariots. And his servant said unto him, alas, my master, how shall we do? Praise the Lord. Hallelujah. Verset 15. Les jours suivants, les serviteurs d'Élisée s'élèvent tout le matin et ils sortent de la ville. Ils voient les soldats, les chevaux et les chars qui entourent la ville. Ils crient, quel malheur, maître! Qu'est-ce que nous allons faire? You know, if you are of the kingdom of Christ, you are not to be afraid of any problem. Wenn du zum Königreich von Christus gehörst, dann solltest du keine Angst haben vor Problemen. Si tu es du royaume du Christ, tu ne peux pas avoir peur de quelque chose. Amen. Amen. Praise the Lord. Amen. If you are working for Christ, wenn du für Christus arbeitest, you should never be afraid of any problem. Solltest du keine Angst haben vor irgendwelchen Problemen. Si tu vis et tu travailles pour Jésus-Christ, tu ne dois pas avoir peur de quelque chose. You know, Elijah was working for the true God. Elijah hat für den wahrhaftigen Gott gearbeitet. Et Élisée travaillait pour le vrai Dieu. Amen. Amen. Praise the Lord. Amen. You know, somebody was in panic here. Il m'a fait panique. Mais il y avait quelqu'un ici qui avait peur. Amen. Amen. If you know who you are, there will be no panic. Mais si tu sais qui tu es, tu ne seras pas paniqué. If you know what you have, you will not be in panic. Of any problem at all. Mais si tu sais ce que tu as, tu ne seras pas paniqué à cause d'un problème. Of any bills at all. Ou à cause d'une facture. Une facture. It's as if the greatest problem today is bills. Scheint so, dass das größte Problem heutzutage viele Menschen Rechnungen sind. Mais ça semble comme si les factures sont des grands problèmes aujourd'hui. Praise the Lord. Amen. And in verse 16, and he answered, fear not, for they that be with us are more than they that be with them. Amen. Verset 16, Élisée répond, n'aie pas peur, ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. Amen. I don't know your problem. kenne deine Probleme nicht. Je connais pas tes problèmes. Except the Lord revealed it to me. Sein der Herr offenbart mir das. Sauf que Dieu me révèle tes problèmes. Amen. Amen. I'm not looking for ways to know your problems. Ich suche nicht nach Wegen, deine Probleme zu kennen. Et je ne cherche pas de moyen pour savoir tes problèmes. It's only the Lord that knows your problems. Ist der Herr, der that you know kennt. That you have to submit whatever it is, you submit it into His own hands. Und ihm sollst du deine Probleme übergeben. Mais c'est seulement Dieu qui connaît tes problèmes et tu dois soumettre aussi tes problèmes. Amen. Amen. The Bible said that before they come to you, they have already been solved. Die Bibel sagt, bevor das zu ihr angekommen ist, wurde es schon gelöst. Et la Bible dit qu'avant que le problème vienne vers toi, ils ont été sauvés. Praise the Lord. Amen. You know, this problem Elisha was facing here have already been solved before coming. Denn das Problem, was Elijah hier vor sich hatte, war schon gelöst, bevor es zu ihm gekommen ist. Mais le problème qu'Élisée avait ici a déjà été réglé par Dieu. Amen. Even the Old Testament. Gibt's im Alten Testament. Même dans l'Ancien Testament. How much more now? Wie viel mehr jetzt? Maintenant, c'est aussi comme ça. Praise the Lord. Amen. And he answered, fear not. What are you afraid of? Wovor haben wir Angst? Et Élisée répond, n'aie pas peur. What are you afraid of? It's a question. Pour was haben wir Angst? Tu as peur de quoi? What is the problem? Was ist das Problem? Qu'est-ce que le problème? Amen. Amen. He said, for they that be with us are more than they that be with them. Ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. You know, this man believed what the natural eyes cannot see. Dieser Mann hat das geglaubt, was die natürlichen Augen nicht sehen. Et Élisée a cru ce que les yeux naturels ne pouvaient pas voir. Just like we read yesterday, Moses believed what the natural eyes could not see. Genauso wie wir yesterday, Hebrew 11. Hebräer 11 gelesen haben, dass Mose das geglaubt hat, was der natürliche Mensch sieht. Même hier, nous avons lu Hébreux 11, où Moïse a aussi cru à ce qu'on ne pouvait pas voir avec les yeux naturels. You know, some of us, we are not there yesterday. Let's go to Hebrew 11. Hébreux 11. Praise the Lord. Amen. So that we see it. Because you have to believe what the eye cannot see. That should be your character. Was, are you getting it? Amen. That's unsere Natur. On doit être capable à croire ce que nos yeux ne voient pas physiquement, et ça doit être notre nature. You have to believe what the eyes cannot see, the natural eyes cannot see. That's what the natural eyes cannot see. That's your lifestyle. It should be your lifestyle. Et tu dois croire ce que tes yeux ne voient pas naturellement, et ça doit être ta façon de vivre. No natural eyes can see Jesus today, but you believe on Him. Are you getting it? Tes yeux naturels ne peuvent pas voir Jésus-Christ, mais tu crois en Jésus-Christ. The Bible says we live by faith. Mais la Bible dit nous vivons par la foi. We live by believing what the natural eyes cannot see. Wir leben, indem wir das sehen, was die natürlichen Augen nicht That's our lifestyle, and that should be. Das ist unser Lebensstil. On vit par la foi, bien qu'on ne peut pas voir le monde surnaturel, et c'est notre façon de vivre. That is how you draw the water from the well. Und so ziehst du das Wasser aus dem Brunnen. Et c'est comme ça tu tires de l'eau du. That's how you bring your victory from the spirit from the spiritual world into the physical world. So the water from the well. Von der physischen geistigen Welt in die physische. Et c'est comme ça que tu tires aussi ta victoire du monde surnaturel dans le monde naturel. From verse 24 of Hebrew 11. It said, by faith, Moses, when he was come to years, refused to be called the son of Pharaoh's daughter. Are you getting it? Amen. Amen. You know, a lot we choose what the eyes can see. Hebrew 11:24. Hébreux 11, verset 24, Moïse a cru en Dieu. Alors quand il est devenu grand, il n'a pas voulu qu'on dise de lui, Moïse est le fils de la fille du roi d'Égypte. De nos jours, il voulait avoir beaucoup de gens qui choisissaient oui, le monde naturel, d'être appelé comme fils d'Égypte. Let us learn to believe. Lass uns lernen, to live like this. Und so zu leben. On doit apprendre de croire comme Moïse et puis de vivre aussi comme Moïse. That is the lifestyle of God's children. That's the lifestyle for children of God. Ça c'est la façon de vivre des enfants de Dieu. That is what is called radical. C'est ça ce qu'on appelle radical. And without it, you cannot see that victory. Und ohne so zu sein, können wir diesen Sieg nicht sehen. Et sans la radicalité, on peut pas voir aussi la victoire. I can remember how we got this house. Ich kann mich daran erinnern, wie wir dieses Haus hatten. Je me rappelle comment on a eu cette maison. It was by radical, by being radical for Christ. Das war, weil wir radikal waren für Christus. C'était parce que nous étions radical pour Christ. We believed the impossibility. Wir haben an das Unmögliche geglaubt. On a cru que c'était impossible pour l'homme. Amen. We live by faith. We believe what the natural eyes cannot see. Wir haben an das geglaubt, was die natürlichen Augen nicht sehen. We didn't have nothing, no money. Nothing. Account was minus, everything minus. Das Konto auf minus. Et nous avons cru ce que les yeux naturels ne pouvaient pas voir, même si notre compte n'avait rien. You know, in Deutschland, to have such a thing is no joke. You know, I know of places. We were in Italy. We know how they have a house there. You know what they even call house is just a little apartment, but a whole house. To have it without even having your own money. You know, it's so wonderful to trust your father. Und in Deutschland ist ein Haus zu haben keine kleine Sache. Es sind sehr viele Schritte, die dazu gehören und sehr viele Dinge, die man haben muss, damit man überhaupt qualifiziert ist, ein Haus zu besitzen. Und deswegen danke ich dem Herrn einfach, dass es einfach to be qualified for you to be qualified. It's a big deal. Et d'avoir une maison ici en Allemagne, ce n'est pas facile du tout parce que tu dois être d'abord qualifié d'avoir une maison, tu dois avoir le travail, l'argent et quelque chose comme ça. Mais comme nous sommes des enfants de Dieu, on était capables d'avoir cette maison par la foi. We were radical in believing him. We were radical in believing. We started packing. Und deswegen haben wir angefangen, though there was nothing to show for it. Obwohl es keine Beweise gab. Bien qu'il n'avait pas quelque chose à croire, on était radical, c'est ça, on a commencé aussi à déménager. I just wish all of you were there to see it. Je wünschte, ihr wärt alle da gewesen, das zu sehen. Et je veux vraiment que vous you know, faisiez partie d'être aussi là dans ce temps. If the natural people, if they notice or if they find out what we are in, they will call it madness. What's wrong with you? Where are you packing to? We don't have anywhere. Nothing. Gesagt, wir doch nichts haben. Mais si les autres gens nous dans ce temps-là, nous appeler peut-être malades parce qu'il y avait rien à croire. Because they never believe that with Christ all things are possible. Sie glauben nicht, dass mit Christus alles möglich ist. Parce que le monde ne croit pas que tout est possible avec Jésus-Christ. Just like Jesus said to that man in Mark 9. He said with God. If you can believe, all things are possible. Denn so hat auch Jesus zu diesem Mann gesagt, dass wenn du glaubst, ist mit Gott alles möglich. C'est comme ça aussi Jésus Christ a dit que si tu crois en Dieu, tout est possible pour l'homme. If you look at all of them in Old Testament, they were all radical for the true God. Wenn wir uns die Leute im Alten Testament anschauen, sie waren alle radikal für Gott. Surtout si nous on voit les enfants de Dieu dans l'Ancien Testament, ils étaient toujours radicaux pour Dieu. You know, here we are talking about Moses. If you look at Abraham and Lot, you know, Abraham supposed to choose before Lot. Warum hätte sich eigentlich vor Lot entscheiden müssen, für welches Land er nimmt? Même Abraham a été aussi radical parce que dans l'histoire, dans l'Ancien Testament, il fallait qu'Abraham choisisse avant Lot. To choose what man we call good, the das good land. Wählen, are you getting Mensch it? Als fruchtbares Land bezeichnen the good results. Als gutes Ergebnis. The good job. Als gute Arbeit. The good, what man we call the good. Das you know, Abraham was so cool because he knows the pillar behind him. Abraham war aber so gelassen, weil er den Fels hinter sich kennt. Par exemple, dans l'histoire, c'est l'autre qui a choisi le pays qui était bon pour les yeux, qui était attractif, mais Abraham a laissé l'autre d'abord choisir et il a pris le pays qui n'était pas attractif ou bien joli pour les yeux. You know your the pillar behind you. Kennst du die Säule hinter dir? You trust that pillar. Vertraust du dieser Säule? Est-ce que tu fais confiance à Dieu? You know that song we normally sing, the pillar that hold my life. Dieses, we no longer sing it. Amen. Die Säule, die for some time now. The pillar. Die Säule. Le pilier. Christ is the pillar. Christus ist die Säule. C'est Dieu. C'est Jésus-Christ qui est le pilier. The Bible calls him the rock of ages. Die Bibel nennt ihn Fels. Ewiger Fels. Urgestein. Rocher de tous les temps, peut-être. Et c'est Jésus. La Bible appelle Jésus-Christ la roche éternelle. You know, he was not, you know, Abraham was not afraid of, you know, the fertile land or the desert. You know, for him, it doesn't matter. What matter, you have the pillar. Then, I have Jesus. Ihm war egal, was er hatte, was er nicht hat. Hauptsache, er hat Jesus Christus. Get it. Et pour Abraham, ce n'était pas important. That's how to be radical. That's how to walk with Christ. Amen. So sind wir radikal und so wandeln wir mit Christus. Pour Abraham, ce n'était pas important. Et pour lui, même s'il avait seulement les déserts, il voulait être satisfait à cause de Dieu. C'est ça qu'on appelle radical pour Dieu. On doit être satisfait avec Jésus-Christ lui-même. If you are still, you know that problem. If it is there, if you are going to cry, cry that you have solved it, Father. Thank you. That should be your tears. Und wenn du, and not, what am I going to do? What have I done wrong? What, you know, blaming yourself, blaming God, why are you still waiting? What are you still, are you getting it? Yeah. You, if even you are going to cry and weep before him, let it be, thank you, Father. Amen. That's not impossible with you. Vor dem Herrn weinst, dann weil du dich bei ihm bedankst, was mit ihm nichts unmöglich ist. Amen. Amen. Même si tu as des problèmes, il ne faut pas te condamner ou bien demander à Dieu, Dieu pourquoi moi, pourquoi des choses là se passent. Tu dois vraiment être, tu dois remercier Dieu même si tu as des problèmes parce que tu es un enfant de Dieu. You know, Abraham never depended on the flesh. Denn Abraham hat sich nie auf das Fleisch verlassen. Même Abraham ne dépendait pas de la chair. Amen. Amen. You know, the wife pushed him to marry Hagar. Seine Frau hat ihn gedrängt, Hagar zu heiraten. Même la femme d'Abraham, Sarah, poussait Abraham de marier Agar. And I'm very sure that is why he did not tell the wife about wealth when God said, give me Ishmael. Give me Isaac, sorry. Und ich kann mir vorstellen, dass deswegen Abraham nicht zu ihr gegangen ist, als Gott zu ihm gesagt hat, dass er ihm seinen geliebten Sohn geben soll. Et je pense aussi que c'était ça la raison pour laquelle Abraham n'a pas dit à Sarah qu'il doit sacrifier son fils Isaac. He said, if your right arm will prevent you, cut it off. Abraham have to cut it off. Hindert in das Reich Gottes zu kommen, sollst du ihn abtrennen. Et même, Abraham musste es von sich abtrennen. Sorry. Et même Jésus-Christ a dit que tu dois couper ton bras si ça t'empêche d'aller ou d'entrer dans le royaume du Christ. His kingdom is a radical kingdom. Dein König ist ein radikales Königreich. Parce que le royaume du Christ est un royaume radical. He said it himself in Matthew 11, verse 12. Das sagt er selbst in Matthäus 11, Vers 12. Et dans Matthieu 12, il le dit aussi. Amen. Amen. That it is only the radical that can take it by force. Dass nur die Radikale es mit Gewalt an sich reißen. Radical peut entrer dans le royaume de Christ. By believing him. Indem man ihm glaubt. Par la foi. Amen. Amen. By trusting him. Indem man ihm vertraut. Si tu fais aussi confiance à Dieu. And in verse 25 it says, choosing rather to suffer affliction with the people of God than to enjoy pleasures. Of sin for a season. Et la Bible dit aussi ici à Hébreux 11, verset 25, il a choisi de souffrir avec le peuple de Dieu. Pourtant, il pouvait avoir une vie agréable pendant quelque temps, mais il n'aurait pas obéi à Dieu. Praise the Lord. Hallelujah. Verse 26. He says, esteeming the reproach of Christ greater riches than the treasure in Egypt, for he had respect unto the recompense of the reward. Verse 27, by faith he forsook Egypt, not fearing the wrath of the king, for he endured as seeing him who is invisible. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Versets 26 à 27. Les trésors de l'Égypte étaient grands, mais pour Moïse, recevoir des insultes comme le Messie allait en recevoir avait beaucoup plus de valeur. En effet, il regardait plus loin vers la récompense à venir. Moïse a cru en Dieu, alors il a quitté l'Égypte sans avoir peur de la colère du roi. Il est resté solide comme s'il voyait le Dieu invisible. His focus was on what the natural eyes cannot see. Sein Fokus lag auf dem, was natürliche Augen nicht sehen können. Sa concentration était oh, Daddy, thank you. Sa concentration était sur les choses invisibles. Please go back to 2 Kings 6. 2 Könige 6. 2 Rois 6. Verse 16 said, and he answered, fear not, for they that be with us are more than they that be with them. Amen. You can see that they are all the same. Those, you know, to follow Christ, to follow God, to follow the only true God. Den einzigartigen Gott zu folgen. Même ici, à verset 16, Élisée répond, n'aie pas peur, ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. Et tout ça aussi, c'est une façon d'être radical pour Jésus-Christ, c'est toute la même. If not, nothing can work. Sonst kann nichts funktionieren. Si tu n'es pas radical, rien peut fonctionner. And Elisha prayed and said, Lord, I pray thee, open his eyes, that he may see. And the Lord opened the eyes of the young man. You know, this man, he said, the eyes. The Augen. Yeah, his eyes closed. Waren seine Augen geschlossen? You know, the same, he saw the Syrian army with his eyes. Er sah die syrische Armee. Are you getting it? Yeah. And that's why he was able to inform Elisha, that look at the Syrian army, he was in panic. He saw something. So his eyes, his natural eyes, they were intact. Elisha darauf aufmerksam zu machen, dass die syrische Armee vor ihnen stand. Deswegen waren seine Augen intakt, funktionsfähig. Ici, Élisée prie en disant, Seigneur, ouvre les yeux de mon serviteur pour qu'il voie clair. Le Seigneur ouvre ses yeux et les serviteurs peuvent voir que tout autour d'Élisée, la montagne est couverte de chevaux et de chars brillants comme du feu. Ici, ça montre seulement que si on compare par exemple Élisée et le serviteur, les deux avaient des yeux, mais Élisée était focalisé au monde surnaturel et le serviteur voyait seulement ce qu'il pouvait voir avec ses propres yeux. C'est ça qu'a demandé aussi Jésus-Christ, ou disons Dieu, qu'il ouvre les yeux du serviteur pour qu'il voie ce qui est autour d'Élisée. What Christ called eyes is not what man called eyes. Was Christus Augen nennt, ist nicht das, was der Mensch Augen nennt. Ce que Dieu appelle l'œil et pas ce que le monde appelle l'œil. He has his own kind of eyes. Er hat seine eigenen Augen. Il a ses propres yeux. And without his eyes, you cannot see him. Und ohne seine Augen kannst du nicht sehen. Sans ses propres yeux, tu peux rien voir. You cannot see what you are supposed to see. Du wirst nicht sehen, was du you sehen see sollst. Lies. Du wirst Lügen sehen. Sans Dieu, tu vas pas voir ce que Dieu veut que tu vois. Tu vas commencer à voir des mensonges. Praise the Lord. Amen. Elisha prayed, and the Lord, I said, Lord, I pray thee, open his eyes. Er hat gebetet und dafür gebetet, dass die Augen des Knechtes geöffnet werden. Élisée a prié que le Seigneur ouvre les yeux de son serviteur. Because Elisha knows, he knows that what he, the eyes that he used, that he have is not the real eyes. Yeah, no, he's blind. The person was blind. Weil diese Person war. Though he had the natural eyes, they are open. Open his eyes. Are you getting it? Parce the spiritual eyes. Élisée savait que son serviteur était aveugle parce que bien qu'il pouvait voir, il ne pouvait pas vraiment voir la réalité du monde surnaturel. That he may see. And the Lord opened his eyes of the young man. And he saw, and behold, the mountains was full of horses and chariots. You know, remember in verse 14, they have their own horses and chariots. And Elisha have his own horses and chariots. And you are going to choose who to believe. Yeah. Or what to believe. Und wir haben eben gelesen, dass die syrische Armee hatte auch ihre Pferde und Streitwagen. Und hier Gott, Elia, hatte auch bei sich die Streitwagen und die Rosse des Herrn. Und er musste entscheiden, welcher Seite er Glauben schenkt. Et dans verset 14, on peut aussi voir que l'armée de Syrie avait aussi des chars et des chevaux. Et aussi, le peuple d'Israël avait aussi des chars et des chevaux. Mais maintenant, la question est, qui est-ce que tu vas croire? Tu vas croire la situation du peuple d'Israël ou bien la situation de Syrie? He said, the mountain was full of horses and chariots of fire round about Elisha. And Elisha knew it. Und Elisha wusste das. No wonder there was no panic. Kein Wunder, dass er keine Angst hatte. Amen. Élisée n'avait pas peur de la situation parce qu'il savait qu'il est avec Dieu. Praise the Lord. Amen. Amen. Amen. Daddy, thank you. If you look at here, Elisha was walking as the Spirit of the Lord directed him. Elijah hat so gearbeitet, wie der Heilige Geist ihn geleitet hat. Et ici aussi on voit qu'Élisée était dirigé par le Saint-Esprit. You can see there was nothing flesh. Da war nichts Fleischisches. No flesh can reveal all those things to him. Denn das Fleisch kann ihn das nicht offenbaren. Il n'y avait pas la chair ici parce que la chair ne peut pas te révéler toutes ces choses-là. And because he was obeying the, you know, obeying Christ, he was obeying the true God, there was a problem. You know, if you are obeying him, if you are choosing him, there's going to be a problem. Wenn du Christus wählst, wird es ein Problem geben. Et si tu te décides pour Jésus-Christ, il y a toujours un problème. If you keep on choosing him, you are going to fall into problems. But don't be panicked. Für ihn entscheidest du, wirst du in Probleme kommen, aber hab keine Panik. Et si tu continues à choisir Jésus-Christ, tu auras des problèmes. Mais don't be surprised if those problems come. Und wundere dich nicht über diese Probleme. Et ne sois pas surpris si le problème vient. If you look at Elisha, he was not surprised. Und Elijah war hier nicht verwundert. Même Élisée ici n'était pas surpris. Praise the Lord. Amen. Amen. Amen. Praise the Lord. Amen. Amen. Amen. Oh, what did I do? Let me say something to God. Praise the Lord. Amen. Amen. Amen. In verse 17, let us look at verse 17 again. Verse 17. He said the mountain was full of chariots. Der Berg war von feurigen Rossen und Streitwagen. Of fire around about Elisha. Amen. Amen. Ici on explique que la montagne était couverte avec des chevaux et des chars brillants comme le feu. You know what? You know these horses, these chariots of fire around about Elisha. They were not there just for that day alone. Diese Pferde waren nicht nur wegen diesem Tag da. Et tous ces chevaux ici n'étaient pas autour d'Élisée seulement à cause de du guerre, mais les chevaux étaient tous les jours là. If Elisha have this, what you have is greater than what Elisha has. Amen. Amen. That's what the Bible says. Elisha das hier hinter sich hatte, dann haben wir so viel mehr hinter uns. Et si Élisée avait des chevaux, des chars autour de lui, là, ce que nous avons aujourd'hui est plus grand. Amen. The difference between you and Elisha is that Elisha believed. But do you believe? Der Unterschied zwischen dir und Elisha. Will you believe? Dass er glaubt, aber was glaubst du? La Just amen. La seule différence entre toi et Élisée est la foi. Élisée avait la foi, mais toi, est-ce que tu as la foi? They were not just there for that day alone. Die waren nicht nur für diesen Tag da. Les chevaux n'étaient pas seulement là dans ces jours-là. They were not there because Elijah was having problems. Sie waren nicht da, weil er Probleme hatte. Ils n'étaient pas là parce qu'Élisée avait des problèmes. They have been there. Sie waren die ganze They're Zeit always là. There 24/7. 24 yeah. Stunden sind sie mm-hmm. là. Ils ont toujours été là, chaque jour et chaque fois. Amen. You are never alone. Amen. You know that. Mm. Let it be your character. Amen. Nature sein. Tu es jamais toute seule et ça doit être ta nature et ton caractère. Praise the Lord. Amen. Because a time is going to come when it will seem that you are alone. Denn es wird eine Zeit geben, wo es aussieht, Jesus dass du alleine said it bist. In John 16, we soon go there. Et tu dois le savoir parce qu'un temps va venir où tu vas te sentir toute seule. You know, when everybody your place of work will even be running away from you. Wenn jeder auf deiner Arbeit vor dir dich meidet. Or in places. Et même où tes collègues te fuient à cause de Jésus-Christ, partout où tu es, les gens vont commencer à te fuir. Praise the Lord. Hallelujah. You know, Elisha knew that. He knew the pillar behind him. Look at verse 16. Kannte die Säule, die hinter ihm steht. Et Élisée connaissait le pilier qui était autour de lui. He answered, "Fear not, for they that be with us." He knows something. He believes something. Er hat etwas geglaubt. Élisée a répondu, n'aie pas peur. Et ça, ici, ça montre qu'Élisée avait la foi. Il a cru à quelque chose. I'm more than those that be with them. Mehr als die bei ihnen sind. Ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. Praise the Lord. Hallelujah. You know, Elisha was just a prophet. Prophet of the Lord. Einfach nur ein Prophet des Herrn. Et Élisée était seulement un prophète. But you are a son. Ah, du bist ein Sohn. Mais Amen. Mais toi, tu es un fils. It means you are greater than him. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. You Elijah was a servant. Thank you. Amen. Amen. Though he was a prophet, but he was a servant. Bien que Élisée était un prophète, mais il était aussi un serviteur. Mais nous sommes des fils de Dieu, des enfants de Dieu. Ça veut dire nous avons une position plus grande. Amen. The Bible calls you a son. Amen. Die Bibel nennt dich ein Sohn. Amen. Et la Bible t'appelle un fils. It means what you have is greater than what Elijah had. C'est das, was du hast, ist größer als das, was Elijah hat. Ça veut dire que ce que tu as est plus grand que ce que Élisée avait. If Elijah never walked alone, why believe in that you are alone? Wenn Elijah niemals geglaubt hat, dass er alleine ist, weshalb glaubst du, dass du alleine bist? Et si Élisée a jamais cru qu'il était toute seule, pourquoi toi tu crois que tu es toute seule? If Elijah never walked alone, you never walk alone. Amen. Elijah niemals alleine gewandelt ist, wandelst du auch nicht alleine. Amen. Et si Élisée ne marchait pas toute seule, là toi aussi tu ne marches pas toute seule. You have the Holy Spirit. Tu as le Heiligen Geist. Tu as le Saint-Esprit. You have the angels. You have the angels of the Lord. Tu as les anges des Seigneurs. Tu as les anges de Dieu à côté de toi. You have the horses and chariot of fire around about you. Tu as les Feuerrosse und die Streitwagen des Herrn um dich herum. Et tu as des chars et des chevaux et le feu autour de toi. All you need to do is just be aware of it. Du musst es einfach nur bewusst sein. Das muss dir einfach nur bewusst sein. Tout ce que tu dois faire est être conscient de ce fait. Do you know if you have a key and you want to open the door, if you don't know that you have that key, you can never open that door. Wisst ihr, dass wenn ihr eine Tür öffnet und nicht wisst, dass ihr den Schlüssel für diese Tür in eurer Tasche habt, ihr diese Tür niemals öffnen werdet? Si par exemple tu veux ouvrir une porte, mais tu as la clé dans ta poche, mais tu n'es pas conscient que tu as la clé dans ta poche, tu ne vas jamais être capable d'ouvrir la porte. Be aware of it, that you are never alone. Dass du nicht alleine bist, niemals alleine bist. Sois conscient que tu es jamais toute seule. Learn to know it, that you are never alone. Dass du niemals alleine bist. Apprends que tu es jamais toute seule. Remind yourself 24/7, dass du alleine bist. Erinnere dich daran, 24/7, dass du nicht alleine bist. Amen. Amen. Et rappelle-toi avec chaque jour que tu es jamais toute seule. It should be one of your characters. Es sollte deine Natur sein. Et ça doit être ta nature. It was also one of Christ's characters. Let us go to John 16. Et cette vie est aussi la nature du Christ. Praise the Lord. Amen. John 16. Jean 16. Verse 29 to 32. 29 bis 32. Verset 29 à 32. Praise the Lord. Hallelujah. His disciples said unto him, are we there, please? No, yeah. Amen. Amen. His disciples said unto him, lo, now speakest thou plainly, and speakest no proverbs. Verse 30, now are we sure that thou knowest all things, and needest not that any man to ask thee. By this we believe that thou comest forth from God. Verse 31, and Jesus answered them, do you now believe? Verse 32. He said, behold, the hour cometh. But oh, yeah, if you have to get it. Jesus said, do you not believe me? Jesus sagt jetzt, glaubst du mir jetzt? Because of what I said. Wegen dem, was ich gesagt habe. What about when I am arrested and I'm killed? Will you still believe me? Was ist, wenn ich festgenommen werde und getötet werde, wirst du dennoch meine Worte glauben? Verset 29. Les disciples de Jésus lui disent, voilà, maintenant tu parles clairement. Tu ne parles plus en utilisant des comparaisons. Maintenant nous savons que tu sais tout et tu n'as pas besoin qu'on te pose des questions. Pour cela, nous croyons que tu es venu de Dieu. Jésus leur répond, vous croyez maintenant? Eh bien, le moment arrive et il est déjà là où vous partirez de tous les côtés, chacun pour soi, et vous me laisserez seul. Pourtant, je ne suis pas seul parce que le Père est avec moi. Ici, Jésus-Christ demande ses disciples si c'est vraiment réellement qu'ils croient à Jésus-Christ, parce que si, par exemple, on arrête Jésus-Christ, la question est si les disciples seront toujours là ou voulaient être toujours là. Praise the Lord. Alléluia. You know, you will have a friend. You will have friends until there is a problem. Du wirst Freunde haben, bis du in Schwierigkeiten kommst. Et dans ce moment, tu auras des amis jusqu'à ce que tu aies des problèmes. Have you ever heard this word? A friend in need is a friend indeed. Habt ihr schon mal gehört, dass ein Freund in Drangsal ist ein tatsächlicher Freund? On dit par exemple aussi dans ce monde, si tu as un ami qui est toujours là pour toi pendant tes problèmes, c'est un vrai ami. You know, do you know how you really even know your friend? If you are in problem, then you know your friend. Wenn man ein Problem schickt, kennt man, wer seine wahrhaftigen Freunde sind. Amen. Amen. Si tu as des problèmes, c'est là où tu vas connaître tes vrais amis. If they come here and arrest me, with the ministry continue. Die Leute hier hinkommen und mich verhaften, würde die Gemeinde weitergehen? Et si par exemple on m'arrête ici pour me mettre dans les prisons, est-ce que l'église va continuer? You know, we were just in Nigeria for some months. Wir waren ein paar Monate in Nigeria. And you know, I marveled how some fell out of the line. Und ich war erstaunt, wie einige Leute gefallen sind. Et quand, par exemple, on était au Nigeria, j'étais étonnée combien de gens sont tombés. Believing that we can only be there for people in prayer and not there for them in money. Das, to help them with anything. Angefangen haben zu glauben, dass wir Leuten nur mit Gebet helfen können, aber mit nichts anderem. Et il y avait des gens qui ont commencé à croire que cette église peut seulement aider les gens par la prière, mais pas avec l'argent. You know, I thank God for Peter and John. Ich danke Gott für Petrus und Johannes. Et je remercie Dieu pour Pierre. Silver and gold have I not. Silver and gold habe ich nicht. Je me remercie Dieu pour Jean et pour Pierre qui ont dit je n'ai pas l'or ou bien l'argent. Amen. Amen. But what is more than silver and gold I have? Mais das was mehr als Silber und Gold ist, das habe ich. Mais j'ai quelque chose mieux que l'or. Go and read Proverbs 3, please, all of you. And see how Christ is greater than any money. Jesus zu haben, größer als Proverbs 3, the whole of Proverbs 3, very important. Lisez Proverbe 3 pour savoir comment Jésus-Christ est plus grand que l'argent. Praise the Lord. Amen. Amen. They have the flesh, but I have the spirit. Sie haben das Fleisch, aber ich habe den Geist. Eux, ils ont la chair, mais moi, j'ai l'esprit. Amen. Amen. I felt it when I had it. But the Lord helped me, you know. He uses things. You know, Satan might throw things. But whatever, it's all things work together for good. For those that love God, for those that are called according to His purpose. Mm-hmm. All things that people say to you, they work for victory, for your victory. Mm-hmm. Alles, was man dir an den Kopf schmeißt, was man sagt. In every situation. Oui, chaque problème, chaque chose que le diable veut utiliser pour te détruire, c'est Dieu qui va utiliser cette chose pour pour que tu avances. The same thing Jesus is saying here. Amen. Amen. What will happen if you know? For example, if some you know he knows what was going to happen to him. Er wusste, was ihm passieren würde. Will you still believe? In spite of everything. Werdet ihr dennoch glauben? That song that we made fun of you. Es werden einige. The midst of the flesh family. The midst of friends that outside. Von Freunden, von you tell them how your konto is, how your account is. You don't have anything. You are nothing. You remember Peter and John. Silver and gold have I not, but the such as I have. Praise the Lord. Amen. Let me give you time. Now. Okay. Jésus-Christ, il savait, ou bien en disant, Jésus-Christ connaissait l'avenir, c'est ça, il a demandé aux disciples si c'est vraiment vrai qu'ils croient. Et dans ce monde ici, tes amis qui voient que tu as toujours des problèmes vont se moquer de toi et dire, oh regarde, lui, il a toujours des problèmes, ou il n'a pas l'argent dans son compte. Et c'est comme ça comme cette vie fonctionne dans la vie naturelle. Praise the Lord. Hallelujah. You know, I always say it here that I prefer to be Lazarus than to be that rich man. Mm-hmm. I prefer it. Lieber Lazarus bin als dieser reiche Mann. Et je dis toujours que c'est mieux d'être Lazare que d'être l'homme riche. I prefer heaven than hell. Et je préfère le royaume du Christ que l'enfer. Praise the Lord. Hallelujah. Ah. Oh, Daddy. Amen. Amen. In verse 32. In Vers 32. Verset 32. And before then, verse 31, where it said, Jesus answered them, do you now believe? Verse 32. Behold, the hour cometh. Yea, it's now come. That you shall be scattered. Is somebody understanding here? Mm-hmm. Every man to his own, and shall leave me alone. We were alone in Nigeria. Amen. Amen. That is what people will say. That's in natural man. Natürliche Leute, they are left there. Sie sind dort alleine. But we were never alone. Amen. Amen. Amen. Amen. verset 31 à 32. Amen. We left there. Heute ist genau ein Jahr, als wir Nigeria verlassen haben. Verset 31 à 32, Jésus leur répond, vous croyez maintenant, eh bien, le moment arrive et il est déjà là, où vous partirez de tous les côtés, chacun pour soi, et vous me laisserez seul. Et nous aussi, par exemple, nous étions toutes seules au Nigeria. Ça fait déjà un an passé, mais maintenant, nous sommes ici. Mais quand on était au Nigeria, nous étions jamais toutes seules. Praise the Lord. Amen. Amen. I thank you all that you are there for us. Ich danke euch allen, die für uns da waren. I thank Jesus and I thank you all. Ich danke euch und ich danke Jesus dafür. Et je remercie chaque personne qui était là pour nous et je remercie aussi Dieu. I thank you for allowing Jesus to walk in you and walk through you. Dass ihr zugelassen habt, dass Jesus in euch und durch euch arbeitet. Et que vous étiez là pour la famille de Dieu, que vous avez laissé Jésus-Christ travailler de vous, en vous. À travers de vous. Praise the Lord. Hallelujah. Again, verse 32, it says, behold, the hour cometh, yea, is now come, that you shall be scattered, every man to his own, and shall leave me alone, and yet I am not alone. Because the Father is with me. Amen. Praise the Lord. Amen. You are never alone. Tu es jamais toute seule. Amen. Amen. Amen. We are never alone. Tu es jamais toute seule. Amen. Amen. If the whole world forsake you, you are never alone. If you are Jesus. Seid ihr nicht alleine, denn ihr habt Jesus. Et même si le monde t'abandonne, tu es jamais toute seule parce que tu as Jésus-Christ. One with Christ is majority. Einer mit Christus. Wer mit Christus ist, ist eine Mehrzahl. Une personne qui a Jésus-Christ est dans la majorité. You know, Jesus knew. He believed he was not alone. Jesus hat geglaubt, dass er nicht allein ist, egal was ist. Et Jésus-Christ a jamais cru qu'il est toute seule. The flesh is going to go, but the spirit remains. Das Fleisch wird gehen, aber der Geist bleibt. La chair va aller ou va passer, mais l'esprit reste pour toujours. Praise the Lord. Hallelujah. Let us allow Christ's character to be our character. Lasst uns zulassen, dass der Charakter von Christus unser Charakter ist, dass die Natur von Christus unsere Natur ist. Praise the Lord. Hallelujah. Et on doit laisser la nature de Christ être notre nature. Praise the Lord. Hallelujah. Let us allow Christ's character to be our character. Let us learn it. Le caractère de Christ doit être notre caractère. He came here as a son of God to teach us how to live as sons of God. Er kam hier als Sohn Gottes, um uns zu zeigen, wie wir als Söhne Gottes leben sollen. Il est venu comme fils de Dieu pour nous montrer comment vivre en tant que fils de Dieu. And that is how to be radical for him. Und so sind wir radikal für ihn. Et c'est comme ça nous sommes radical pour Jésus-Christ. Praise the Lord. Alléluia. Amen. Amen. Now maybe we can quickly go to the real message. I don't know. That was just a little. Amen. Mm-hmm. Praise the Lord. Hallelujah. Jesus said his word for the radicals. Jesus sagt, dass die Dinge für die Radikalen funktionieren. Et Jésus-Christ a dit que tout fonctionne pour ceux qui sont radicaux. He said they are the ones that can take it by force. Sie sind diejenigen, die es mit Zwang an sich nehmen können. Et ceux qui sont radicaux, ce sont eux qui peuvent prendre tout avec force. If Jesus was not radical, nothing would work for him. Denn wäre Jesus nicht radikal gewesen, hätte nichts für ihn funktioniert. Si Jésus-Christ n'était pas radical, rien ne pouvait marcher pour lui. Are you getting it? If he was not radical, nothing could have worked for him. Wäre nothing. Jesus nicht nothing. Radikal wäre, hätte nichts für ihn funktioniert. Si Jésus-Christ n'était pas radical, rien ne pouvait marcher pour lui. What about Paul? If Paul was not radical, nothing could have worked. Und das gleiche geht auch für Paulus. Et la même chose aussi pour Paul. What about me? If I am not radical, this ministry will not continue. Genauso wie ich, wenn ich nicht radikal bin, dann wird diese Gemeinde nicht weitergehen. Et la même chose aussi pour moi. Si moi j'étais pas radical, là cette église ne peut pas exister. Christ's kingdom is a radical kingdom. Denn das Königreich von Christus ist ein radikales Königreich. Parce que le royaume du Christ est un royaume radical. In manifestation of everything, it is. You know, you have to be radical. In any manifestation. In jeder Manifestation musst du radikal sein. Pour avoir la manifestation, tu dois être radical. Praise the Lord. Hallelujah. It means you have to believe him. Das heißt, no matter what. If there's anything to show or nothing to show. Du musst ihm glauben, ob es Beweise gibt oder nicht. Ça veut dire tu dois le croire même s'il n'y a rien à croire, même s'il n'y a pas de signes à croire. In healing, in prosperity, in everything. Don't you have, you know, you have to be radical. If not, it never work. Und das in jedem Thema, ob Gesundheit, Finanzen, alles. Da müssen wir radikal sein, so dass wir whatever victory. Jeglicher Sieg. Et par exemple, si dans la guérison ou bien dans tes finances, tu dois être radical pour que tout fonctionne. Until you are radical in Christ and not in religion, und nothing ever works. Wenn wir radikal eben Christus sind, aber nicht radikal in der Religion. Jusqu'à ce que tu n'es plus radical dans la religion, mais dans Jésus-Christ, là tu vas voir la victoire. You know, on Sunday we read about how Paul was radical in religion. Am Sonntag haben wir darüber gelesen, wie radikal Paulus in seiner Religion war. Et dimanche passé, nous avons parlé de Paul qui a été radical pour sa religion. I thank Jesus that, you know, he was delivered from it. Ich danke Jesus, dass er davon befreit worden ist, von diesem religiösen Geist. Amen. Mais je remercie Dieu que Paul a été délivré. You know, a lot are radical in religion today. Viele sind radikal in Religion. They're so radical. They preach everywhere. Sie predigen an jeder Straßenecke. Yeah. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui sont radical dans la religion et ils prêchent aussi partout. You know, they need deliverance. Sie brauchen Erlösung. Amen. Mais ils ont besoin de délivrance. Praise the Lord. Alleluia. They need deliverance. Sie brauchen Erlösung. Ils ont besoin de la délivrance. Amen. Amen. In John 15, Jesus said, "Abide in the truth." In Johannes 15 sagt Jesus, wir sollen an der Wahrheit bleiben. Verse 1, if you read it there. Dans Jean 15, Jésus dit qu'on doit rester dans la vérité. Abide in me. Abide, it means abide in the truth. Bleibt in mir, bleibt also in der Wahrheit. Christ is the truth. Denn Christus ist die Wahrheit. Jésus dit, reste en moi, ça veut dire aussi reste dans la vérité, parce que Jésus est la vérité. Amen. It means remember the truth and act on it. Das heißt, erinnere dich an die Wahrheit und handle nach der Wahrheit. Ça veut dire, rappelle-toi la vérité et agis aussi par la vérité. It means remember what Christ called the truth and act on it. Erinnere dich daran, was Christus Wahrheit nennt und handle danach. Rappelle-toi ce que Jésus appelle vérité et puis agis aussi dans la vérité. In John 14 from verse 1, let us go there. Amen. Amen. Okay. John 14. Johannes 14. Jean 14. Praise the Lord. Amen. Let me see the course of time. Johannes 14. Jean 14. He said, let not your heart be troubled. Oh, Daddy, thank you. Amen. Amen. Amen. Allow your heart to be like the heart of Elisha. Euer Herz erschrecke nicht. Lass zu, dass unser Herz, dass euer Herz, so wie das Herz von Elijah ist, in dieser Situation, dass sein Herz nicht erschrecken war. Et Jésus nous dit que Jésus dit ne soyez pas inquiets. Et ça veut dire que notre cœur doit être comme le cœur d'Élisée, qui n'avait pas peur. Amen. Amen. He said, "Let not your heart be troubled." Remember, Elijah's heart was not troubled. Das Herz von Elijah war nicht erschrocken. Élisée n'était pas inquiet. You know Isaiah 26, verse 3, said the Lord will keep him in perfect peace, whose mind is stayed upon him. In Jesaja lesen wir, dass der Herr das Herz der Person bewahrt, die seine Gedanken immer wieder auf ihn gerichtet hat. Et dans Isaïe, on lit aussi que Dieu dit que nous avons la paix si on se concentre à Jésus-Christ. You know why your heart is troubled? Wisst ihr, weshalb euer Herz erschrocken Because ist? Because your heart is not of him. Weil euer Herz nicht bei ihm oder von ihm ist. Tu sais pourquoi ton cœur est inquiété? C'est parce que tu n'es pas en Jésus-Christ. Ton cœur n'est pas avec Jésus-Christ. Your heart is occupied with the system of this world. But my heart umgeben ist von dem System dieser Welt. To fail, not to fail. No. The doctor's report. Parce que ton cœur est occupé avec le système de ce monde, avec les problèmes de ce monde. Si tu vas, ce que le docteur a dit, ce que le monde dit. He said, "You believe in God, believe also in me." Er sagt, glaubt an Gott, glaubt auch an mich. Jésus dit, croyez en Dieu et croyez aussi en moi. Praise the Lord. Amen. Believe in God, believe also in me. Glaubt an Gott, glaubt auch an mich. Croyez en Dieu et croyez aussi en moi. Yeah, it's like, no, there are two things here. It talks about two things. Believe in God, believe also in me. Il dit, glaubt an Gott, glaubt auch an mich. Jésus parle de deux choses. Il dit, croyez en Dieu et croyez aussi en moi. Amen. Amen. You know, Matthew 5 will tell you that believe in God, believe also in Christ. In Matthäus 5 steht, dass du sollst an Gott glauben, auch an Christus. I don't know if we're able to go there. Amen. Amen. Et même dans Matthieu 5, on a aussi écrit que tu dois croire en Dieu et croire aussi en Jésus. Even also John 8, we tell you also what is here. Believe in God, believe also in me. Glaube an Gott, glaube auch an mich. John 8. Johannes 8, da lesen wir das auch. Jean 8 aussi répète ce parole. He told the Pharisees, he said, if you believe Abraham, you will believe me. Er hat den Pharisäern gesagt, if you have believed Abraham, you will believe me. Wenn ihr an Abraham geglaubt hättet, hättet ihr auch an mich geglaubt. That's what he's saying here, the same thing. Das gleiche sagt er hier auch. Et Jésus-Christ aussi disait aux pharisiens que si c'est vrai que vous croyez Abraham là, vous devez aussi croire en moi. Praise the Lord. Amen. We don't have time to go there. Amen. Amen. Let me quickly go further, then we close. Amen. Amen. He said, in my Father's house are many mansions. If it were not so, I would have told you. I go to prepare a place for you. Are you getting it? Are you getting it? Verstehen Sie das? Remind yourself of your Father. Du musst es daran erinnern, of who lives inside you. Wer in uns lebt. Remember it. Verset 2. Dans la maison de mon Père, il y a beaucoup d'endroits pour habiter. C'est pourquoi je vous ai dit, je vais vous préparer une place. Donc, si on lit ces versets ici, on doit vraiment savoir, on doit connaître notre nature, on doit aussi savoir qui nous sommes. On doit savoir que nous avons Jésus-Christ et Jésus-Christ est toujours là pour nous. Amen. Praise the Lord. Amen. And if I go and prepare a place for you, verse 3, I will come again and receive you unto myself, that where I am, there you may be also. Amen. You know, it's Christ, you see that? The true God or a big liar. Entweder ist Jesus One der wahrhaftige Gott oder ein großer Lügner. Soit Jésus-Christ est un menteur ou il est la vérité, mais on sait qu'il est la vérité. Amen. Amen. And whither I go, you know, and the way you know. Where I'm going, you know, the way you know, because you are to know. Denn wohin ich gehe, ihr kennt den Weg. Denn ihr müsst diesen Weg kennen. Sind wir best Et quand je serai allé vous préparer une place, et That's le four. Chemin qui conduit là où je vais, vous le connaissez. Praise the Lord. Amen. Verse 5, Thomas said unto him, Lord, we know not whither thou goest. And how can we know the way? Amen. Amen. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment est-ce que nous pourrions connaître le chemin? Praise the Lord. We thank God yesterday that one of God's children received Jesus Christ yesterday. Amen. Wir danken dem Herrn, dass gestern jemand Jesus Christus empfangen hat durch das Telefon. Et on remercie Dieu que hier une personne a reçu Jésus-Christ comme Dieu et Sauveur, comme roi et Sauveur. She asked a question concerning how did the Bible come about? You know, it says, is it not people that, a man that, you know, that wrote it? Und sie hat gefragt, wie wurde die Bibel geschrieben? Haben das nicht Menschen oder irgendwelche Wissenschaftler geschrieben? Et cette personne a demandé la question, comment la Bible a été écrite, si c'est l'homme qui a écrit la Bible. You know, to know Christ, you have to first of all come to Christ before you can know him. Um Christus zu erkennen, müssen wir erstmal zu Christus kommen. Pour connaître Jésus-Christ, tu dois d'abord venir vers Jésus-Christ. Amen. If I asked this question years ago, I was asked the Bible. You know, it can be a novel for you. It can be a savior for you. This Bible. Diese Bibel kann für dich ein Roman sein. Es kann aber auch der Retter sein. Et même moi-même, je me suis demandé aussi cette question, si c'est pas l'homme qui a écrit la Bible, mais la Bible peut être soit un livre ordinaire pour toi ou bien un livre extraordinaire, la parole de Dieu. Just like Jesus here. Amen. Just like Jesus here. They can see the body that is just maybe one of the prophets. Sie können sein Äußeres sehen und denken, dass er ein Prophet ist, wie viele andere, aber er ist der wahrhaftige Gott. Amen. Et c'est la même chose aussi avec Jésus-Christ. Les gens peuvent voir l'extérieur de Jésus-Christ et penser qu'il est un prophète normal, mais c'est vraiment Dieu qui est en Jésus-Christ. You know, until I started moving with Christ, then I knew how the Lord wrote the Bible. Als ich dann eine Beziehung mit Christus hatte, habe ich verstanden, wie die Bibel geschrieben wurde. Et quand j'avais la relation avec Jésus-Christ, c'est là où j'ai compris comment la Bible a été écrite. Amen. Amen. Because he reveals things. Weil er Dinge offenbart. You will never doubt him in the Bible. If he is speaking to you. Wenn er zu dir gesprochen hat, wirst du ihn nicht anzweifeln. Parce que c'est Dieu qui donne la révélation et si Dieu parle, tu ne vas pas douter. You know, Thomas here in verse 5 said, Thomas said unto him, Lord, we know not without thou goest, and how can we know the way? Verse 6. Jesus said unto him, I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father but by me. Amen. Verset 6. Jésus lui répond, le chemin, la vérité, la vie, c'est moi. Personne ne va au Père sans passer par moi. Praise the Lord. Alleluia. He said, He is the only way. Er sagt, er ist der einzige Weg, die Tür. No, John 10. Johannes 10, nehmen wir das auch. Jésus dit qu'il est le seul chemin, et même dans Jean 10, il dit qu'il est même la porte pour la vérité. You know, there are other doors, but that those doors are going to meet Satan. Es gibt andere Türen, es gibt andere Wege, aber dort finden wir nur den Teufel und nicht den wahrhaftigen Gott. Il y a des chemins et portes différents, mais si tu ouvres des portes différentes, là tu vas raconter le diable. Jesus says he is the only way. It means there is no other. Jesus sagt, er ist der einzige Weg. Das heißt, es gibt keinen anderen Weg. Wir müssen entweder glauben oder ihn als Lügner dastehen lassen. Et Jésus dit, il est le seul chemin. Ça veut dire, on doit croire Jésus-Christ ou l'appeler un menteur. Verse 7 said, if you have known me, you should have known my Father also. And from henceforth, you know him and you have seen him. He don't reveal his identity. They knew him as a carpenter, but he now revealed himself to him. Denn er hat sich als, sie kannten ihn als Tischler, aber er hat sich ihnen wahrhaftig offenbart. Verset 7. Si vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. À partir de maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Ici, ça montre que Jésus-Christ était connu comme charpentier, mais après ces paroles, ici, Jésus-Christ a révélé à ses disciples qu'il est Dieu. Verse 8. Philip said unto him, Lord, show us the Father, and we will be satisfied. Show us the Father. Zeig uns den Vater. Verset 8. Philippe dit à Jésus, Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. No, the spirit versus the flesh. Der Geist versus das Fleisch. L'esprit comparé avec la chair. The Bible as a novel versus the Bible as a savior. Die Bibel als ein Roman und die Bibel als Retter. Et la Bible comme sauveur ou la Bible comme roman. Verse 9, Jesus said unto him, Have I been so long time with you? And yet hast thou not known me, Philip? He that has seen me has seen the Father. And how sayest thou then, show us the Father? Verset 9. Jésus lui répond, Philippe, je suis avec vous depuis si longtemps et tu ne me connais pas. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment peux-tu dire, montre-nous le Père? Praise the Lord. Hallelujah. Then from verse 10, he said, believe thou not that I am in the Father and the Father in me. The words that I speak unto you, I speak not of myself, but the Father that dwelleth in me, he doeth the works. Amen. Believe me that I am in the Father and the Father in me. Or else believe me for the very work's sake. If we go here, we will not close here. Amen. Amen. Then in verse 12, it says, verily, verily, I say unto you, he that believeth on me, the works that I do, shall he do also. And greater works than this shall he do, because I go unto my Father. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. We will not reach here because the time has come. Okay. Because there's a place I want us to reach before we close. Amen. Amen. Ici, Dieu seulement explique qu'il est la vérité et le seul chemin. Amen. Amen. In verse 13. Verse 13. He said, whatsoever you shall ask in my name, that will I do, that the Father may be glorified in the Son. Amen. You know that, you know, whatever he's doing is not because of you, but because of the Father. Amen. Your victory is not because of you. Dieser Sieg ist nicht wegen dir. Chaque chose que Jésus-Christ fait pour toi, c'est pas à cause de toi, mais c'est à cause de Dieu le Père. Et c'est comme ça nous avons la victoire. Kannst du mal wiederholen das letzte? Was immer er tut, ist nicht wegen dir, sondern wegen dem Vater. Und danach? Oh, praise the Lord. Hallelujah. And you know, I will go there again. Amen. Amen. Let me quickly come to a place. He said, Christ as a son of God and as a son of man. It is like a Bible as a novel and also as a savior. Jesus als Gott gegen Jesus als Mensch ist genauso wie die Bibel als Retter. Gegen die Bibel als Roman. Dieu m'a révélé que Jésus-Christ comme un homme normal. Dieu m'a révélé que Dieu comme un homme, Jésus comme quelqu'un normal et notre Sauveur, c'est aussi comparé avec la Bible comme un livre normal ou bien comme la Bible qui nous sauve. Praise the Lord. Amen. I don't know. There are so many. Praise the Lord. Hallelujah. You know, for you to even hear his voice, you have to be radical. Um seine Stimme zu hören, müssen wir auch radikal sein. Pour écouter la voix de Dieu, tu dois être radical. He hears your voice. He hears you always. Er hört deine Stimme. But the problem is you don't hear him. Das Problem ist, dass wir ihn nicht hören. Mais le problème est que c'est nous qui ne l'écoutons pas. And only the radicals that can hear him. Nur Radikale können ihn hören. We continue from there on. Praise the Lord. Amen. Amen. Seulement ceux qui sont radicaux peuvent écouter la voix de Dieu. On va continuer avec le message le dimanche. Amen. Please note that your victory is to glorify him. Amen. So it's more of him than you. Dein it's not about you. You know, sometimes it's as if, I'm coming back. Sometimes it's as if he does not want you. You want to have you, he does not want you to have it. He even wants you to have it more than you even want to have it. Because he glorified him and not even you. Deswegen, Jesus will sogar, dass du es noch mehr hast, als du es willst, denn es fährt ja ihn und nicht dich. Ta victoire est pour glorifier Jésus-Christ et il ne s'agit pas de toi parce que souvent on se voit nous-mêmes au lieu de voir Jésus-Christ lui-même. Mais Dieu aussi veut que tu aies la victoire, même plus que toi-même, tu veux la victoire. Praise the Lord. Amen. Amen. Amen. Everything. In Christ's world, in Christ's kingdom, they are all, you know, the radicals. Those, you know, you believe, you know, you are to believe it become your lifestyle. Ihn zu glauben wird zu deinem Lebensstil. Avoir la foi en Jésus-Christ, ça doit être ta façon de vivre. Amen. You believe him, you know that, you know. Nothing can even talk you out. Und nichts kann dir das ausreden. Amen. Et rien peut te distraire. The more everything is getting worse, the more you believe it. Umso mehr schlimmer die Sachen werden, umso mehr glaubst du. You know, when things are getting worse, we give up. De plus, tes problèmes deviennent graves, c'est comme ça si tu dois croire en Jésus-Christ. Denn oft, wenn Dinge schlimmer werden, geben wir auf. Parce que souvent, s'il y a des problèmes, on commence, on laisse Dieu tomber. You know, you know that things are getting worse. That very thing is telling you that it is over with him. That problem is telling you, it's speaking to you that it is over with him. With it as a problem. Und dass dieses Problem schlimmer wird, zeigt einfach nur, dass dieses Problem sein Ende erreicht hat. Que le problème devient de plus en plus grave, ça montre seulement que c'est fini avec le problème, que le problème a pris la victoire. You read Mark 9, you see it there. Das lesen wir in Markus 9. Et on peut le voir aussi dans Marc 9. Remember that man, you know, the epilepsy boy. You know, they said Jesus prayed for him. Jesus spoke, and that man, the child fell down as if he was dead. Everything got worse. Mm-hmm. That was what threatened the disciples that they could not heal that child. Mm-hmm. They were, you know, they gave up. Because, you know, when things are getting harder, people give up. Mm-hmm. But for God's children, that thing is speaking to, is telling you that it is over. Amen. With him, as, with it as a problem. Amen. Und Jesus never give in to something like that. That is how to be radical for Christ. Amen. Praise the Lord. Und Jesus hat das Gleiche auch gezeigt, als er für diesen epileptischen Jungen gebetet hat und er tot umgefallen ist. Und die Sache, es scheint so, als ob die Sache schlimmer war, aber er hat sich dennoch nicht davon abbringen lassen, hat weiterhin geglaubt. Und so sollen wir auch weiterhin glauben, wenn die Sachen schlimmer werden, weil das einfach nur das Ende dieses Problems zeigt. Amen. Après, quand Jésus-Christ a prié pour le garçon qui avait l'épilepsie, il est tombé comme quelqu'un qui est mort. Et on a vu même les disciples comment ils n'avaient plus la foi parce que il semblait comme si le garçon était mort. Mais là où le problème devient de plus en plus grave, là, c'est là où on doit avoir la foi et c'est là qu'on doit faire confiance à Jésus-Christ et pas abandonner la foi à cause de ce qu'on voit. The fire was getting hotter and hotter and hotter. No, that fire, I'm coming, Sha. That fire was telling them something that it cannot burn them. Und wenn wir uns an die drei hebräischen Jungs erinnern, schlimmer und schlimmer, das Feuer wurde heißer gemacht, aber wir müssen diese Stimme erkennen, die einfach nur zeigt, dass dieses Problem zum Ende kommt. Amen. Et c'est la même chose aussi avec les trois Hébreux qui ont été jetés dans le feu. Dieu, wenn das Problem schlimmer wird, dann heißt es, dass das Problem zum Ende kommt und wir müssen die Stimme dieses Problems dann kennen, also deuten können, dass weil das Feuer beispielsweise bei den drei hebräischen Jungs heißer gemacht worden ist, zeigt das nur, dass es das Ende von diesem Problem ist. Par exemple, les trois Hébreux qui ont été jetés dans le feu, bien que la situation était vraiment grave, ça montrait seulement que Dieu est vraiment là pour mettre fin, la fin dans le problème. Donc ça montre qu'on doit toujours avoir la foi et ne pas abandonner Jésus-Christ ou bien Dieu, même si la situation est très difficile. Praise the Lord. Alléluia. You know, the problem speaks to the people of this world. They also speak to you. That problem will speak to them to give up. But that problem will tell you that it's over with him. Weil with it as a problem. Probleme sprechen auch zu Menschen dieser Welt. Und wenn Probleme zu den Menschen dieser Welt sprechen, gehorchen Menschen dieser Welt diesem Problem, weil das Problem über ihnen steht und weil sie ihm gehorchen müssen. Aber wir erkennen, dass das Problem nicht zu uns sprechen kann und nicht über uns steht, sondern unter uns steht und dass deswegen das Ende dieses Problems ansteht. Amen. Et dans ce monde ici, les problèmes aussi parlent aux gens naturels et il réagit aussi de manière différente. Mais nous, si le problème parle, nous devons aussi réagir et connaître notre autorité. Il faut dire quelque chose. Hein? C'est grave. La fin est là. La fin de ce problème. Ouais, la fin du problème. Praise the Lord. Hallelujah. Even on Sunday, I will speak about this a little bit. Amen. Amen. Am Sonntag werde ich auch darüber sprechen.